naïveté. J'ai préféré cette chimère, la royauté. Mais à tes pieds je m'humilie, mon cœur a reconnu. Pardonne, ma chère, à m'oublier, mon cœur a